Vous avancez, on va faire une intervention aujourd'hui. Adèle vient nous parler de l'hôpital. Ensuite, nous avons Alan qui va nous parler d'un livre. Donc, on va bientôt commencer. Donc, on vous invite à venir pour pouvoir commencer notre activité avec vous. Voilà. Ouais, donc bonjour à toutes et à tous. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de la... Je vais centrer mon intervention sur la logique hospitalière, mais en fait, ça comprend la logique actuelle un peu dans toute la fonction publique, parce que ça a déjà existé avant dans l'éducation. Il y a plusieurs points que je voudrais traiter. Écrit ni vraiment très bien préparé, ça risque d'être un petit peu décousu. Donc après, avec le débat, ça permettra peut-être d'aller plus profondément dans les sujets. Alors déjà, la première chose dont je voudrais parler, c'est l'évaluation. L'évaluation des pratiques. Ce qui est quand même, je n'ai pas dessus le but principal de l'hôpital public, c'est le soin. Or, pour pouvoir soigner, il faut bien sûr du personnel, du matériel et des locaux qui soient disponibles. Donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis maintenant, qui est l'évaluation justement des pratiques. Donc, évaluer les pratiques, ça permet aux hôpitaux ensuite d'avoir un financement pour acheter de nouveaux matériels ou avoir de nouveaux personnels. Ça, ce serait le principe de base. On se rend compte de quoi ? On se rend compte que quand il y a une évaluation, il faut donc rentrer certains critères pour que cette évaluation fonctionne. Donc, il y a soit des questionnaires, soit des toutes sortes de codes de codification qui sont mises en place, qui prennent un temps énorme au personnel pour que ce soit fait. Et une fois que ces codifications sont mises en place, donc ça veut dire que déjà ça enlève du soin parce que le personnel est obligé de remplir tout ça. Une fois que donc l'évaluation est faite, elle va de nouveaux apports financiers. Et en fait, ces nouveaux apports financiers vont permettre de faire encore de nouvelles évaluations. Donc, tous les financements publics qu'il peut y avoir servent en fait finalement plus l'évaluation que le soin. Le problème que ça peut, les soignants se retrouvent à faire beaucoup plus d'administratifs que de soins, et donc c'est assez difficile pour eux, en sachant qu'en plus, on ne leur donne pas plus d'heures et on leur demande d'avoir la même efficacité auprès des patients. Je vais vous donner un exemple assez simple pour... par exemple, pour qu'un, voilà, on va dire un patient suivi sur une à deux semaines qui devrait être hospitalisé pendant deux semaines parce qu'il y a un risque de rechute. Je parle de façon un peu générale. Alors que pendant tout un temps, du coup, il y avait un suivi. Mais là, ce qu'il va y avoir, c'est une évaluation, par exemple, au bout de trois jours. Cette évaluation va déterminer si le patient est ou non apte à sortir. Et ensuite, il y aura un appel... 4 jours après par une infirmière, un autre appel une semaine après, un autre appel 2 semaines après. Et elles permettent de remplir des questionnaires, enfin pas des questionnaires, du coup plutôt des fiches d'évaluation. Et en fait, la responsabilité à la base médicale est comptabilisée sur ces fiches. C'est-à-dire que si jamais il arrive que le patient a à nouveau un problème, on va considérer que soit l'évaluation n'est pas apte pour minimiser les risques, soit qu'il sortait du pourcentage de personnes qui risquaient d'être atteintes par ça. Donc de pourcentage, et non plus seulement en termes de suivi, ça n'a jamais fonctionné seulement en termes de suivi individuel, mais beaucoup moins qu'en termes de suivi individuel. L'autre problème là-dedans, c'est ce qu'ils appellent, donc là c'était pour la partie un peu évaluation, je pourrais retourner dessus après. L'autre partie qui est assez inquiétante, c'est l'homogénéisation des pratiques. Alors, en soi, ça paraît assez intéressant, ça tourne autour des notions d'égalité, c'est-à-dire que tout le monde est droit aux mêmes soins, accéder aux mêmes services. Donc, à la base, l'homogénéisation des pratiques, ça nous est présenté comme ça. Et je vais vous donner un exemple très simple de ce qui se passe actuellement là où je connais, comme ça vous allez comprendre ce que recouvre ce mot homogénéisation des pratiques. Donc nous avons un service dans lequel il y a des bénévoles qui travaillent avec des personnes en poste et qui permettent du coup de faire un travail bien plus complet et qui en soi coûte très peu cher à l'hôpital. Or la direction est venue s'occuper de ce cas, s'y intéresser, Et ce qu'elle nous dit comme argument, donc il y en a trois. La première, c'est comme ce sont des bénévoles, ils ne sont pas en poste, donc ils n'ont pas sa médical, ce qui est faux parce que sur la convention c'est signé. La deuxième chose, c'est dans les autres services, il n'y a pas autant de soins qui est apporté aux patients, donc il y a un problème d'égalité. Donc pour que tous les soins soient les mêmes, on va arrêter de travailler avec ces bénévoles. Donc vous comprenez là la logique. Plutôt que quelque chose qui fonctionne de façon exceptionnelle dans un service, on va se dire, on va mettre tout le monde à la même base, c'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'éducation, le nivellement vers le bas. Donc au service de l'égalité, on va faire en sorte que tout le monde ait les soins les plus basiques et les plus possibles. Alors que ce qui serait possible, justement, et très intéressant, c'est de s'appuyer sur tout ce qui fonctionne, ce qui est un peu exceptionnel, parce qu'il y a plein de services qui fonctionnent de façon exceptionnelle, et j'imagine que dans l'éducation, c'est la même chose. Et dans tous ces services qui fonctionnent de façon un peu exceptionnelle, ils pourraient, justement, ce qui est très intéressant là-dedans, pour le mettre en place ailleurs. D'où on arrive sur l'autre question, qui est la question du contrôle. Parce qu'en fait, entre l'évaluation et l'homogénéisation des pratiques, la question sous-jacente, c'est celle du contrôle. Bénévole dans un hôpital, c'est ne pas contrôler vraiment ce qui s'y passe. Ne pas savoir d'où ils viennent, quel diplôme ils ont, de quelle façon est-ce qu'ils exercent, combien est-ce qu'ils voient de patients. Et ça, c'est apparemment, maintenant, c'est un gros problème dans la fonction publique. Donc, encore une fois... Plutôt que de viser le soin du patient et un soin qui soit au maximum qualitatif, on va donc partir dans une version quantitative. Pourquoi quantitative? Parce que le quantitatif peut être contrôlé, alors que le qualitatif, moi je m'embrouille les pinceaux, est très difficilement contrôlable. Alors voilà la question que je me pose quand même, parce que j'ai du mal à saisir en quoi est-ce qu'il faudrait contrôler le qualitatif. Bon, je me dis, il doit y avoir certainement quelque chose de très honorable derrière. Je sais pas, ils auraient peur que les abusés ou très franchement, j'ai pas tout à fait cette réponse. Hein. Je pense que ça va avec une politique des données, des chiffres où tout le monde doit un petit peu passer par les mêmes circuits. Mais j'ai vraiment du mal à saisir en quoi le contrôle maximal, parce que au début, par rapport à l'évaluation, je pense qu'en fait là-dedans, il y a surtout une notion de responsabilité. Bon, je pense que vous êtes un petit peu tous au courant du fait que dans notre société actuellement, la responsabilité, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter, hein, avec la prévention du risque, pour que si jamais il nous arrive quoi que ce soit, déjà que personne ne soit responsable et qu'on soit remboursé de tout ça. Et donc, par rapport au contrôle dans la fonction publique, c'est pour que la fonction publique se dédouane de la responsabilité. En repos responsabilité sur des données chiffrées, finalement, qui est responsable ? Bah, personne, parce que tout avait été calculé, et exceptionnellement, ce patient-là sort de la norme, donc finalement, qui est responsable, mis à part le patient lui-même. D'ailleurs, ce qu'on retrouve beaucoup aussi dans la prévention du risque à l'hôpital, et bon, ce qui a créé beaucoup de débats, maintenant on en est revenu, mais je crains que ça, qu'il y ait un retour, c'est la responsabilisation du patient. Alors, le fait de connaître sa maladie pour pouvoir, par la suite, par exemple, c'est une chose. Le fait de considérer que c'est parce que vous avez fumé toute votre vie, c'est parce que vous avez bu, c'est parce que tout ça, que vous êtes malade et qu'on ne vous soignera pas. Il y a eu un procès, je crois, là-dessus. Il y a pas très. Vous soignera pas si vous continuez à boire, par exemple, ou qu'on ne vous soignera pas si vous continuez à fumer. Je crois que c'est... Alors déjà, c'est quand même un gros risque pour ce rapport à l'égalité à la médecine. Et surtout, la responsabilité, parce que c'est quand même gommer quelque chose d'assez important. Toute forme de dépendance, qu'elle soit physique, physiologique ou psychique, est liée à un mal-être. Là où on retourne sur la question du soin de base. Si c'est de l'ordre du contrôle, donc contrôler une population qui soit bien à ses mêmes critères, la même hygiène de vie... bien proprement, et que surtout, il n'y a pas là-dedans d'affect, parce que l'évaluation, ça dégage aussi totalement l'affectif. On pourrait se dire, finalement, s'ils étaient logiques dans leur truc, ils embaucheraient plein de psys. Comme ça, ils se diraient, en sorte que les patients aillent mieux, comme ça, ils auront certainement plus besoin de toutes ces substances, et ils pourront se soigner à long terme, il y aura moins de rechutes. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que la question n'est pas là. La question n'est pas que les gens aillent mieux. La question est de rendre... une médecine équivalente pour tout le monde, pas pour plus de soins, mais pour plus de contrôle. Et donc, ce que ça produit derrière, c'est que non seulement les gens finissent par se sentir responsables de leur maladie, donc ne vont plus à l'hôpital, et ce qui fait qu'il y a énormément de précarité dans les soins, ce qui n'était pas le cas dans ces, il y a 20 ou 30 ans. Et c'est là où l'hôpital public perd sa fonction de base, qui est justement celle du soin pour tout le monde. Je vais vous donner un autre exemple pour à l'acte, et puis la logique de la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, ça veut tout dire. En fait, ce qui gêne beaucoup, ça va avec la cotation à l'acte. La cotation à l'acte, c'est qu'en fait, il y a rémunération pour l'hôpital, donc remboursement à partir du moment où il y a un acte qui est codé. Par exemple, une intervention chirurgicale, c'est un acte codé. Une prise de sang, c'est un acte codé. Tout ça, ce sont des actes codés. Par contre, une séance de kinésithérapie, ce n'est pas un acte codé. Par exemple, chez le psychologue, ce n'est pas un acte codé. Donc, pour que l'hôpital reçoive de l'argent, son but, c'est pas d'avoir des personnes hospitalisées, parce que l'hospitalisation en soi n'est pas codée. Ce ne sont que les actes qui sont codés. Or, l'hospitalisation, ça coûte cher. Donc, mis en place, c'est on récupère les patients juste pour faire l'acte, et ensuite, il faut qu'ils sortent le plus vite possible. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein d'hôpitaux qui fonctionnent maintenant en partenariat avec des hôtels, pour que les patients sortent de l'hôpital et soient reçus, du coup, dans des hôtels à côté. Donc, forcément, dans les hôtels, il n'y a pas le même rapport aux soins. Et donc l'autre chose dont je voulais parler, c'est la chirurgie ambulatoire, de toute façon ça va avec la codification à l'acte, c'est à partir du moment où vous avez une intervention qui est considérée comme minime, vous arrivez le matin, vous avez votre intervention, et le soir vous repartez. Donc là encore une isolé, le soir il repart, il a un vertige ou autre, ça va très mal se passer. Donc là c'est la responsabilisation au niveau de la famille. Alors on pourrait se dire ce qui est intéressant, c'est que ça remet peut-être du lien social au niveau de la famille, etc. Mais non, ça marcherait si on est de société individuelle où le malade est un poids pour la famille. Là, du coup, il y a la culpabilisation en plus du patient qui va se sentir, un, responsable de sa maladie et deux, responsable de coûter auprès de sa famille un certain effort. D'où voilà, on perd de l'hôpital public. Bon, voilà à peu près en gros ce que je voulais dire là-dessus. Après, je pense qu'on retrouve vraiment les mêmes logiques au niveau de l'éducation, publique, enfin, l'éducation nationale, et notamment le nivellement vers le bas. On l'a vu très souvent, d'essayer de développer les classes dans lesquelles les choses marchent bien. Et ben, on va faire en sorte que tout le monde ait un niveau le plus médiocre possible, mais tous le même. Encore une fois, au nom de l'égalité, du coup, ça va vers moins de chances pour. Donc, j'ouvre le débat. Ok, moi c'était juste pour faire tourner 2-3 infos, après je verrai pour le reste s'il y en a qui me reviennent. Je pense que tout le monde se souvient et connaît Théo. Oui, bon. Un article qui est sorti il y a pas longtemps comme quoi justement il se serait pas pris une matraque dans l'arrière-train, donc ça a été, il l'a prouvé devant un juge. Après il y a un article qui est sorti. Bon, après je dis pas, peut-être qu'il s'est fait et il s'est pas pris une matraque dans l'arrière-train, mais oui, voilà, c'est ça. Merci. Oui. C'est juste qu'après moi il y a eu des trucs qui ont un peu été cachés, enfin en plus surtout quelques trucs qui ont été remis en question par rapport par exemple aux médias, surtout qu'on a profité pour ajouter 2-3 trucs sur la famille de Théo, sur certaines escroqueries, les policiers ou autres. Enfin après ça part un peu dans tous les sens, entre l'article qui sort comme quoi il se serait pas pris une matraque dans le cul, comme quoi il aurait pas pris, comme quoi il aurait menti, qu'il l'aurait prouvé devant un juge, et toutes sortes de complications en même temps avec ses potes qui ont mis le feu aux voitures alors que lui il a mis le jeu, encore rien n'est sûr sur ce qui est vrai, mais voilà. À qui le tour ? Tu voulais parler ? Ouais, du coup, moi je voulais parler de... T'as tout dit quand tu dis... quand tu parles du contrôle, en fait. C'est l'obsession du contrôle. Et c'est une certaine peur en fait, enfin moi je pense que ça vient d'une peur, et que oui, les gens qui, ces gens qui veulent tout contrôler, je vois, moi, enfin, ça me fait penser ce que tu dis par rapport à mon travail. On vient de m'annoncer cette semaine que, bah voilà, ouais, trop bien. On va avoir, on a été racheté par des actionnaires il y a quelques mois, et là, on nous dit, ouais, trop bien, on va pour pouvoir tout rentrer dedans, tout ranger et tout, et au niveau au-dessus. Comme ça, ils auront des belles courbes avec des beaux projets, avec des beaux, tu vois, ils pourront voir à long terme. Et en fait, c'est ça, c'est pour moi, c'est la même chose. Ils se disent que là, au niveau de la qualité, ouais, il peut être très compliqué pour eux. Et en fait, ça fait un peu peur. Et pour se rassurer, ils resserrent tout. Et hop. Et ils croient, enfin, à mon sens, ils croient se mettre en sécurité et nous mettre en sécurité. Alors qu'en fait, ils enlèvent tout ce qu'il y a autour du négatif. En fait, ils vont, comme quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on va nous dire, ouais, mais regarde, attends, tu te plains, mais t'as vu, t'es pas si mal, enfin, on est bien quand même, tu vois. Et parce qu'on nous enlève tout, le négatif, mais bon, tu vois, avant, c'était moins bien, machin. Mais ouais, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut contrôler ou est-ce qu'on veut avoir une qualité de vie ou une qualité de vie où t'es obligé de passer par le lâcher prise. Et là, voilà. C'est compliqué. Oui, et cette question de contrôle, pour moi, c'est vraiment lié à un évitement de la responsabilité. Et le problème, c'est que ça produit du désengagement. C'est-à-dire que, je parlais de l'hôpital, et typiquement, là, qu'on a envie de s'engager auprès des patients pour faire du soin, et qu'ils se retrouvent en fait face à des logiciels pour évaluer leurs pratiques. Quel engagement peut y avoir à ce moment-là quand on renvoie aussi le patient au logiciel, à lui sa prise en charge. C'est-à-dire que, du coup, entre le patient et le médecin, alors avant, il y avait quand Guillaume qui disait qu'entre le patient et le médecin, il y avait l'institution médicale. Voilà. Là, et le médecin, il y a l'objet technique. L'objet technique, c'est celui qui fait l'évaluation. Et l'autre chose par rapport à la responsabilité, je vais vous donner un exemple assez précis. Donc j'avais eu au téléphone un psychiatre qui pose la question, mais non, c'est moi qui lui pose la question. Je dis comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire des suivis à long terme à l'hôpital? Et il me dit l'hôpital n'a pas pour fonction de faire des suivis à long terme. Il faut que les gens sont là que pour leur maladie. Ah bon? Parce que la maladie de quelqu'un n'a aucun impact sur sa vie professionnelle, sur son entourage, sur sa vie sexuelle, sur sa vie affective. Aucun impact. Donc en fait, en tant que psy, le patient vous parle de sa maladie. Quand il vous parle d'autre chose que sa maladie, vous dites « Monsieur, ce n'est plus en rapport avec la fonction publique. » Et c'est ce genre vraiment de choses, mais totalement contradictoires qu'on entend malheureusement, et je pense que les gens y croient. Et l'autre chose du coup qu'il me répond, c'est « Et pour être sûr que ce suivi est adapté à la fonction publique, il faut l'évaluer. » Donc, plutôt que de mettre en place finalement un suivi à long terme, il va falloir perdre 2 heures tous les mois pour faire une évaluation pour savoir si ce suivi est efficace. Ces 2 heures permettraient de prolonger le suivi pendant un an au lieu de faire cette évaluation tous les 2 mois. C'est que ces faits qui font qu'à chaque fois on perd du soin pour récupérer du contrôle. Et là où pour moi c'est vraiment une question d'échapper à la responsabilité qui fait très peur, et où en même temps ce que ça produit c'est du désengagement de la part des médecins, de la part des patients. C'est comme quand on s'adresse à l'administratif, quoi. T'adresses à l'administratif, on te dit c'est pas moi qui ai décidé, ah d'accord, donc tu vas au-dessus, mais en fait il n'y a jamais personne qui a décidé pour personne. Donc on se demande qui décide en fait, et au final personne ne décide. C'est là où ça devient inquiétant, parce qu'il y a tellement de rouages qui sont mis en place, et en fait c'est comme ça maintenant dans la médecine, où il y a quand même là une certaine responsabilité de vie et de mort. Enfin, s'il y a un lieu où la responsabilité est très forte, dans l'éducation aussi, mais dans la médecine d'autant plus. Et donc si on commence à partir aussi d'un système totalement administratif d'évaluation dans la médecine, il me semble que c'est quand même assez... Qui veut prendre la parole ? Et ouais, du coup, est-ce que tu sais qui fait le logiciel ? Parce qu'au final, tu dis que personne décide, mais c'est lui qui impose le logiciel. Donc voilà, je sais pas, pour savoir. Alors non, je ne sais pas qui fait le logiciel, mais j'en ai quand même... On a changé de logiciel il n'y a pas très longtemps. Noter les consultations. Et très franchement, par rapport au logiciel qu'on avait avant, il est impraticable. Il est pourri, il est vraiment inutilisable. Deux, esthétiquement, il est très moche. Donc là se reposent ces fameuses questions de rapport entre les directeurs et ceux qui proposent les logiciels. Parce qu'à mon avis, s'il y avait eu un appel d'offres, ils auraient quand même pris le logiciel le plus pratique et esthétiquement au moins supportable. Là, il est vraiment mais inutilisable. Donc on se dit, pourquoi avoir changé de logiciel pour avoir quelque chose de moins bien et qui en plus demande, enfin t'imagines quoi, quand tu changes de logiciel dans un hôpital, ça prend des mois et des mois, le service informatique, ils n'en peuvent plus, enfin bon. Donc là se pose aussi la question du rapport entre l'administration et ceux qui ont vendu ce logiciel, de la même façon qu'avec les labos pharmaceutiques. Bon, voilà, c'est encore des enjeux de pouvoir aussi, et certainement que cette logique de contrôle rentre aussi dans ces rapports avec les données, avec toutes ces choses-là. Mais j'ai pas de nom à balancer. Attends. Oui, moi j'aimerais d'abord parler en tant que malade, parce que je suis malade. D'ailleurs, j'ai mes soins sur moi en ce moment. Tu parles beaucoup de l'accueil à l'hôpital, etc. Maintenant, ça devient quelque chose d'assez spécial, parce que au niveau strictement administratif, on n'a aucun organisme comme la MDPH, etc. Tout se fait en catimini. On est mis devant le fait accompli. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, on a le droit à un recours, mais recommencer un dossier 6 mois. Donc, c'est en principe de ce logiciel, on n'a plus de contact. On a des résultats qui sont totalement, qui ont effrayé, moi, plusieurs des praticiens qui s'occupent de ma santé, qui se sont mis, mais carrément en colère, en disant, mais ça ne correspond à rien, ça ne voit pas le patient et il statue. Donc, ça devient tout et n'importe quoi. Moi, je reste avec ma maladie, je les regarde avec humour, en disant, bah, c'est moi qui souffre et c'est vous qui n'existez pas. C'est des fantômes. On en arrive à cet état absolument incroyable, toute prise, surtout sur certains organismes en catimini, sur dossier, sur analyse du dossier, mais le patient n'existe pas. Mais par contre, tous les mois, j'ai à peu près 1000 euros de médicaments gratuits. Donc, monsieur Sandoz est bien nourri, il profite bien de ma santé. Donc, et ça, alors, dans les grands faits, dans les petits détails. Je veux dire, quand vous arrivez à un moment où même l'alimentation devient un objet de survie, j'ai le droit à manger que du blanc, que du vert. Par rapport à mes revenus, c'est une qualité. Ben ça, c'est des petits détails, mais on vous renvoie au logiciel en disant, tant que vous êtes dans la démarche de de MDPH, on peut vous aider. C'était pas satisfaisant comme satisfaction, hein, comme résultat. Ils ont arrêté aussi. Donc on est bien dans une espèce de médecine automatisée, déshumanisée, qui pose problème. Moi, en tant que patient, je le sais, je suis un patient, mais bon, parce que je suis patient. Et aussi, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, à titre individuel, je vois des médecins qui s'investissent vraiment très fortement. À titre collectif, c'est devenu une organisation avec un but, un profit. C'est tout. Donc ma maladie, je leur donne volontiers, mais bon, j'ai aussi le droit d'observation, et ça devient quelque chose d'absolument ubuesque. Ubuesque, moi j'ai simplement suivi le processus, il n'y a pas de processus, moi j'existe pas. Je suis un dossier, un numéro, voilà, et on me met devant des constatations, oui vous avez un handicap, oui on va vous changer de statut, mais on ne m'a pas une seule fois posé des questions, on ne m'a pas une seule fois demandé, ausculté. Le béaba de la médecine moderne ou antique, c'est d'ausculter le patient. Non, là, je suis un dossier, un numéro. Si vous demandez à voir un praticien, on vous dit « Ah, surtout pas !» Bon, bah, je suis malade, j'ai pas le droit au médecin. Tout le schéma autour du social, le beau discours sur le social, tout ce qui va avec. On peut vraiment commencer à se dire « Là, il faudra se poser les bonnes questions. » Parce que moi aujourd'hui, à titre individuel, j'ai vécu ma vie, j'ai ça qui m'est arrivé, j'ai eu un AVC, des choses très graves. Peu importe, c'est les autres qui m'intéressent maintenant, c'est eux qui vont souffrir. Parce que quand ils vont comprendre que le système n'est plus qu'un espèce, comme tu disais avec justesse, un robot qui va probablement donner son avis, puisqu'il faut correspondre à la case B, la case C, la case D, et tout ça. Le mec, il pète les plombs, ce que je comprends très bien. Je veux dire, à minima, il doit rester une relation entre un praticien, même bon, mauvais, peu importe, mais une relation humaine, ça facilite à la fois le soin et l'enthousiasme. Ça, c'est aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir. par expérience. À tout moment de ma prise en charge médicale, on s'est vraiment hurlé en disant « mais vous avez le droit d'avoir un psychiatre ». Je suis désolé, je connais bien la profession éducateur spécialisé, moi je les emmerde. Quand je dis que ma maladie me donne un propos, j'ai peut-être mes raisons et je peux l'expliquer. Mais toujours se réfugier dans la psychanalyse pour compenser le manque de social, ça c'est aussi une vraie question qu'il va falloir un jour soulever. On n'a pas les moyens de faire du social, mais c'est pas grave, on va vous écouter. On s'en bat les couilles. Faut commencer à le dire. Vous êtes pris pour des cons. Le psychiatre, il n'y a que lui qui se nourrit. C'est là le vrai problème. Je veux dire, lui, il fait son réalisation bien au point, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on a à proposer à des gens qui sont en souffrance physique, une aide psychique qui peut être quelquefois intéressante, je ne le conteste pas, mais que ça soit systématique pour dire « vous êtes le malade, ça va vous faire du bien, arrêtons la connerie ». Je veux dire, un mec ou une nanette, peu importe, qui a vraiment une maladie, qui n'arrive pas à becter, c'est peut-être un vrai problème de fond. C'est pas le psychanalyste qui va vous le solutionner. Lui, s'en bat les couilles, lui. Lui, à la fin du mois, il aura son chiffre, son petit cabinet, tout ce qu'il veut. Mais le mec, il revient et il repart, il a le même problème, voire quelquefois accentué. Ceci dit, je dis bien que pour certaines personnes, le fait d'être en contact avec le milieu psychiatrique, ça peut leur être favorable. Je ne dis rien. En même temps, je dis que ce n'est pas cette nécessité, il n'y a pas de nécessité à tout psychanalyser, surtout même quand je discute avec mes médecins qui me disent qu'il n'y a pas les problèmes de psychanalyse, vous avez des problèmes physiologiques. Alors si aujourd'hui un médecin sait plus différencier la psychanalyse et la biologie, qui retourne à ses études, tout le monde s'en portera mieux. Alors, il y avait deux chemins, j'ai oublié la première sur laquelle je voulais réagir. Bon, ça va me revenir. Du coup, sur la deuxième, par rapport à là, ce que vous dites sur le rapport entre psy et médecine, ça, c'est plus du tout le cas maintenant. Actuellement, c'est en fait, ce qu'ils veulent mettre en place, je parle à la Salpêtrière notamment, c'est du coup, je parle pas de psychanalyse en cabinet, hein, je parle de la psychologie à l'hôpital, c'est-à-dire... Voilà, tout à fait. Ce qui est quand même très différent aussi, en effet, de qu'on voit chez un psychanalyste avec qui il est pote en cabinet, quoi. Ça, c'est quand même un peu très problématique. Mais non, je parle plutôt de la psychologie à l'hôpital comme pouvant être accessible, justement, ce que n'est pas la psychanalyse en cabinet à tous. Et d'avoir une écoute, et surtout pas pour remplacer le soin physique, clairement. Là où... Oui. À vous donner 20 euros si vous acceptez de voir un psychanalyste ou un psychiatre, si tu dis si, c'est le jeu, il te propose, on en est encore à ce niveau-là. Donc, quelque façon que ça soit, on se retrouve dans le même schéma, maladie, psychisme, c'est le même. Bon, que ce soit un petit éducateur de rue qui le dit, ça n'a pas d'importance. Mais quand tu vas à l'Amérique, le mec il dit, mais vous savez, on est bien avec le milieu psy, ça va te faire foutre. Je suis désolé, moi, ma sciatique, elle n'est pas psychanalysable. Cherche des solutions physiologiques et pas forcément des solutions psychanalytiques. Mais là, je fais un crime de lèse-majesté. Puisque quelque part, ça donne presque le sentiment que je mordrais la main. Un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Mais de toute façon, clairement, la psychanalyse, ça fait partie de tout ce qui a mis en place la responsabilité individuelle. C'est ce que je critiquais tout à l'heure, justement, sur dire en gros aux patients, bah voilà, c'est parce que vous avez fumé, c'est parce que ci, c'est parce que ça, donc finalement. Et la psychanalyse, ça a à peu près quand même cette même aspect. En effet, c'est pas la société qui pose problème, qu'il va falloir modifier, travailler sur ce truc-là, c'est soignez-vous. Ça doit être un problème familial, ça doit être un problème. Bon, après. Je pense qu'une bonne psychanalyse permet justement d'être plus en lutte dans le social que de considérer passivement que on doit supporter tout ça. Enfin, c'est pas le but d'une analyse, mais moi, du sujet de base. Enfin, c'est pas très grave. Et l'autre chose que je non, bah ça va pas me revenir. De quoi vous aviez parlé au début ? Ça avait vu. Oui, Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est pendant tout un moment, en fait, j'étais très critique sur la médecine, sur les médecins. Et en fait, de plus en plus eux-mêmes, c'est même pas de plus en plus, c'est pour eux c'est aussi insupportable. Le problème, c'est que dans la formation médicale actuelle, comme ils sont formés de cette façon-là, pour eux, les patients deviennent ces étiquettes-là. Or, bon, il y en a quand même qui trouvent ça insupportable, ils s'en vont. Donc les seuls qui restent dans le cursus médical, c'est ceux qui se conforment à ce truc-là. Enfin, tout ça pour dire que ça va pas aller en s'améliorant, quoi. Parce que du coup, ça rentre maintenant dans la formation médicale, alors que, je dirais, là, ceux qui sont un peu plus dans la profession depuis plus longtemps, le problème de tout système administratif qui met en place ses rouages petit à petit, c'est... parce qu'après tout, enfin, je veux dire, il y a quand même... comment ça s'appelle l'institution médicale? Là, mais non, mais la grande, là, merde. L'ordre des médecins. Voilà, l'ordre des médecins. Bon, je pense qu'il y a encore des enjeux là-dedans de pouvoir et de rapport de force, mais l'ordre des médecins pourrait s'y opposer. Enfin, je veux dire, pourrait y avoir un vrai contre-pouvoir en France contre cette logique-là. Mais, encore une fois, comme ça, petit à petit, enfin, je pense, bon, là, je vais peut-être faire une comparaison qui est complètement foireuse, hein, excusez-moi, mais ça va passer comme, voilà, pour les agriculteurs, il y a eu plein de normes comme ça qui sont passées avant, mais parce qu'ils étaient tous achetés petit à petit, chacun dans leur exploitation. Enfin, voilà, c'est qui m'intrigue là-dedans aussi, c'est de quelle façon est-ce que ce ne serait pas aux médecins de s'y opposer en même temps que les patients, en fait. Enfin, il y aurait une jonction à faire là-dessus entre la médecine et les patients, quoi. À changer de place, pas de soucis. Justement, moi, c'était voilà, c'est bon, ça me revient. Vous parlez des psys, donc je vais m'y mettre aussi sur le sujet. Par rapport aux psychiatres, déjà par rapport à ce que j'ai pu vivre, à un moment j'en ai eu besoin, surtout par rapport à ma mère qui me le disait souvent, et en même temps parce que c'est la phrase qui est souvent le plus utilisée, va voir un psy. Comme vous disiez, monsieur, peut-être pas dans ce sens-là, mais en fait, ça sert à que dalle, de toute façon, enfin, je sais pas pour certains, mais en tout cas, de mon avis. J'ai dû voir plein de psychiatres, ça m'a rien apporté jusque-là, il y a même un pote à moi qui y allait, il y en a un qui lui a mis un coup de pression, il lui a demandé, mais en fait, quoi. Les jours suivants, il lui a dit, aidez les gens. Ah, vous les aidez comment? Et il a toujours pas su répondre jusque-là. J'ai une question, t'avais quel âge quand t'as eu un psy pour la première fois? Moi, je vais te donner une réponse, mais qui est à prendre dans mon expérience professionnelle. On a convenu avec beaucoup de psychiatres que les gamins adolescents qu'on va chercher dans les banlieues, etc., qu'on va toujours surpsychanalyser d'ailleurs en termes techniques, la psychanalyse, c'est quand tu considères de toi-même que tu vas y adhérer avec honnêteté. Donc c'est d'abord un choix personnel, et donc le psychiatre, à ce moment-là, devient support avec tes émotions dans un dialogue. Ça, c'est intéressant, mais il faut d'abord une honnêteté personnelle. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, toujours par l'expérience. Actuellement, moi, j'avais un médecin traitant que je considère honnête par rapport à ma maladie, à ma démarche. Il y a à peu près moins d'un mois, dans le centre médical près d'ici, d'ailleurs, où elle travaille, on a changé tous ses horaires. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait, on avait 20, 25, 35 minutes, c'était pas calculé à la minute près. Maintenant, avec ces logiciels de rentabilité, elle est calibrée à 20 minutes. Et elle m'annonce en disant, j'offre plus à mes patients on la cible maintenant. C'est-à-dire que vraiment, j'arrive, c'est bien, elle sort son ordonnance, elle me file pour Monsieur Sandoz, Monsieur Boiron, les médocs à ma survie. Et après, j'ai dit, attendez, moi, si vous me faites ça, je m'en vais. Elle m'a dit, mais c'est ce qu'on nous demande, ce qui est l'horreur absolue. C'est-à-dire que vous devenez, à travers votre maladie, on devient consommateur. On rejoint le troutis des consommateurs et des désirs. C'est vraiment violent. Parce que moi, je le vis, tous les trois mois, j'ai des ordonnances bison. Je suis obligé, j'ai des doses tous les jours, je suis sous morphine, etc. il sait calculer, présenter. Alors forcément, sécurité sociale, quelques démarches pour avoir le coût exact de mon traitement. Et je suis rentré dans ce qu'on appelle le fameux logiciel d'estimation. C'est-à-dire que maintenant, j'ai le droit à encore à 15 ou 20%, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'après, c'est un AVC, si je refaisais je ne sais quel, un infarctus, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs, ou une chaleur de artère cérébrale, ce que j'ai fait aussi, j'aurais quasiment plus de possibilités de soins. Parce que c'est entretenir un corps comme le mien, ça coûtera trop cher. Ça se dessinait, ça commence... Forcément, je les emmerde, moi, avec mon métier d'éducateur, je pose les bonnes questions, je m'en fous, moi, du reste. Donc le truc, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on commence à rentrer dans une médecine bien pragmatique qui est patient égal. Je suis désolé. Alors forcément, on vous dit oui, mais vous avez accès à beaucoup de choses gratuitement parce que je suis dans le 100%, ce qui peut être le cas de tout à chacun. Mais monsieur Boiron, il connaît pas le 100%. Ce que moi, je paye pas, il le fait payer sur ce que j'ai travaillé. Quand je vois qu'aujourd'hui, le fameux 100%, c'est j'ai encore 20% de médicaments qui ne seront pas à 100%, tout ça devient d'une façon continuelle, ça devient vraiment grave. C'est parce que c'est la santé publique. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas concerné par sa santé, demain elle le sera. Et comme on sait que la vie s'allonge, ça va être de plus en plus compliqué. Je veux dire, moi, avec ce que j'ai attrapé, il y a 10 ans, je devrais être mort. Donc je prends ça comme du bénéf. Donc un respect aussi à la Chine. Mais maintenant, il faut aussi penser que ce que disait, comment il s'appelle, celui qui était le Hippocrate, je m'occupe de mes patients et de leur âme. Ça veut dire quelque chose. C'est un tout, je veux dire, quand on change de vie parce qu'on devient... Mais aussi à l'écoute différemment des autres, on est aussi à l'écoute différemment de soi. Et ça, c'est pas entendu, c'est pas entendable. Alors à un moment qu'on soit des bons petits robots, bien gentil, bien propre, pourquoi pas? Ça, c'est pas dans ma nature, ça, je l'ai gardé quand même. Je voulais juste rebondir un peu sur ce qui a été dit. Donc déjà, ce qui serait bien, c'est là, j'ai l'impression, dans le discours, il y a des confusions qui se font, là. Le psychanalyste et le psychiatre, quoi. Voilà, il y en a un qui donne des médicaments, le psychiatre donne des médicaments, le psychanalyste ne donne pas de médicaments. Donc après, pareil, quand on a une sciatique, c'est ni un psychiatre ni un psychanalyste. Hein. C'est encore quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était juste pour... pour revenir à ce que tu disais, Adèle, à propos de la psychanalyse et ta critique, ouais, c'est déjà ce qui a été fait à l'époque de Freud avec des gens comme Reich, par exemple, qui disait que justement la psychanalyse une normalisation par rapport à une société alors que c'est la société qui n'allait pas bien. Donc le problème il était là aussi, quoi, évidemment. Donc évidemment il y a aussi des gens qui ont des problèmes individuels, mais il y a aussi des problèmes individuels qui viennent d'une société qui est malade. Et Reich justement il parlait de soigner les individus. Donc ensuite je vais revenir sur ce que tu disais à propos de la responsabilité. Ouais, c'est vachement important ce que tu racontais, parce que moi j'ai vu d'expérience des gens, même une personne qui est morte. Parce que par exemple, des fois, justement les psychiatres, hein, pas les psychanalystes, ils bourrent les gens de médicaments. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui était, comment on appelle ça, maniaco-dépressif, ce qu'ils appellent bipolaire aujourd'hui, ils ont changé de nom, hein, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà. Quand les gens ils sont en phase très basse, ils les bourrent de médicaments pour les exciter. Et en fait, ça les rend super, super speed. Et ils pètent les plombs, ils sont dans des espèces d'états super bizarres. Et ça, c'est les médicaments. Donc après, le problème, c'est que comme tu dis, il est là dans la nature, quoi. Et il est là dans la nature. Alors faut voir les dégâts qu'ils ont à leur famille, les gens qui côtoient, puisqu'ils sont complètement hyper speed. Et c'est super dangereux. J'ai connu une personne qui en est morte, quoi. Donc ouais, il y a un gros problème. Et je voulais te demander, d'ailleurs, toi qui es un peu au contact avec tout ce monde-là, moi, d'expérience, donc je peux pas dire tout le temps, parce que c'est vrai que par exemple, dans le cas du maniaco-dépressif, ça les maintient. Ça avait l'air quand même de pas leur faire trop de mal. Mais dans l'ensemble, je vois même les gens qui étaient dépressifs. Avant, dans les années 80, c'était la dépression, hein, c'était la grosse mode, on les bourrait de médicaments. Et comme le disait le monsieur, il y a un truc qui est vachement important, c'est que les médicaments, c'est un business, et il y a des lobbies. Et je pense que, tu parlais de l'ordre des médecins tout à l'heure, il y a aussi derrière les lobbies et les médicaments et tout ça. Hein, il y a tout un truc qui est vraiment problématique, hein, et qu'il faut tenir en considération. Donc voilà, je voulais savoir de toi ce que tu en pensais, quelle était ton opinion sur la question des médicaments. Moi, j'ai vu des gens qui étaient dépressifs, qui n'allaient pas bien. Je me dis, ça se trouve, ils n'auraient pas pris de médicaments ici, parce que je les ai vus prendre plein de médicaments, Valium, je me souviens plus des noms à l'époque, quoi. Mais ça les a vraiment... Hein. Ouais, il y a eu... Non, les Prozac, ça arrive après, ouais. Mais les Prozac, c'est pareil, hein, ça... Que je vois les gens qui sont un peu violents, ils leur donnent ça pour les... Ouais, c'est assez violent, mais il y avait Valium, il y avait un autre truc qui s'appelait... Le Temesta, voilà, c'est ça. Les Temesta, voilà. Oh, ça, c'était super dur, ça. Et les Tranxène. Oh, les Tranxène. Il y avait Tranxène 50, voilà. Il y avait les trucs de dingue. Donc, je me demande, à un petit moment, à la fin, tu les esquintes, les gens, quoi. Je sais pas. Enfin, bon, il y a un truc qui va... Je sais pas. Quelle est ton opinion sur... Est-ce que ça soigne? Est-ce que c'est... Voilà, c'était une question que je voulais te poser. Ben alors, pour les médicaments qui ont été mis en place pour les personnes qui étaient malades, enfin, dire dans leur tête, je peux te donner un exemple. J'ai une collègue qui va pas bien du tout. Médicaments, elle arrive à me faire peur physiquement. Elle est très dangereuse. Elle prend ses médicaments, elle va très bien. Donc ce médicament, dans ce cas-là, c'est génial. Le problème, c'est que le laboratoire pharmaceutique qui fabrique ce médicament, bah, lui, il a besoin de le vendre. Alors on va coller plein de gens sous ces étiquettes pour avoir des médicaments. C'est là où ça dérive automatiquement. Alors, moi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Ce qui est marrant, c'est dans les différences de culture. Par exemple, en France, en Europe, en tout cas en France, un bon médecin de client... à qui il donne plein de médicaments, forcément. Alors que si on va au Japon, un bon médecin, c'est celui qui n'a pas beaucoup de clients. Parce que pour les Japonais, s'il n'a pas beaucoup de clients, ça veut dire que les gens qui vont le voir, eh ben, ils les soignent bien et qu'ils n'ont plus besoin d'aller. Il y a aussi peut-être une question de culture. Oui, donc pour réagir sur ce que tu disais concernant les médicaments, par rapport à la psychiatrie, il y a eu toute une période qui était dans les années 50, et notamment avec Henri Hay, où justement le rapport aux médicaments, donc il y a eu tout le manuel de psychiatrie d'Henri Hay, dans lequel en fait, dans chaque maladie, il y avait les prises en charge possibles, les médicaments possibles, les causes possibles de la maladie, ce que ça pouvait produire comme effet, etc. Et c'était extrêmement complet. Ce qui faisait que la prise en charge d'une maladie était dans différents domaines. C'était pas que la question du médicament, c'était la question de beaucoup de choses. Actuellement, on fonctionne avec la norme amélioré par le DSM, le Diagnostic Mental Disorder. Donc on est au DSM-5, et là ce n'est pas du tout la même logique. Alors déjà, le DSM est créé en rapport avec les laboratoires pharmaceutiques, et en fait c'est très simple. Comment fonctionne le DSM? Il y a pathologie, comment ça fonctionne au niveau de la neurologie, donc quel médicament. Comme déjà on n'est pas du tout dans la même logique, il y avait la neurologie dans le Henri Hay, c'était une des perspectives. Il y avait la neurologie, il y avait la culture, il y avait la famille, et il y avait l'aspect, parcours individuel. Dans le DSM, c'est purement neurologique. Si tu pars du principe qu'une maladie psychiatrique est purement neurologique, de quoi tu as besoin d'autre qu'un médicament qui va soigner le problème neurologique? Donc déjà, quand on est dans cette logique-là, pourquoi est-ce qu'il y aurait pourquoi est-ce qu'il faudrait revoir le patient souvent, discuter avec lui, c'est purement neurologique? Donc déjà, il y a ce problème-là. Le second problème, c'est donc... En plus, j'ai dit que donc, le DSM, c'est en lien... D'ailleurs, le DSM, c'est par celui qui avait créé le DSM-4 tellement ça avait été trop loin pour lui. C'est un psychiatre américain qui a dénoncé en fait le rapport entre le DSM-4 et les labos. Et bon, il s'est fait taire assez rapidement. Mais voilà, pour que ce soit le grand pont du DSM d'avant qu'il dénonce, c'est allé assez loin. C'était il y a 3 ans, je crois. Donc, du coup, là... Les médicaments, de toute façon... Enfin, les médicaments, dans le cas des maladies psychiatriques, c'est bien ou c'est mal. C'est en fonction de la pathologie, et puis c'est par étapes, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, je vais donner, on parlait de la dépression tout à l'heure, je peux prendre l'exemple de la dépression et tu parlais de la psychose maniaco-dépressive, on peut prendre ces deux exemples-là. Exemple de la dépression, quelqu'un, je sais pas, va subir vraiment quelque chose de très difficile dans sa vie, qui fait, pour que ce soit très difficile pour lui, c'est que souvent ça fait écho à une situation antérieure, là il va être au fond, du fond. Dans la dépression, t'as plus aucune envie de vivre, je veux dire... Même le rapport avec l'envie lui-même a disparu. Donc il y a quelque chose qui en plus... Et là, il y a quelque chose aussi de neurologique qui fait que ça sécrète une certaine... bon, forcément, j'oublie toujours les trucs qu'on doit me rendre par cœur, donc je vais pas me rappeler de la molécule. Mais bon. Donc, si tu as à ce moment-là psychologique... Non, non, non. L'inverse, c'est la sérotonine, mais c'est pas la... Bon. Donc, si tu as à ce moment-là seulement un suivi psychologique, il y a une espèce... Bon, là, je vais peut-être m'attirer des ennemis, hein, mais il y a une espèce de plaisir de la répète, la personne ne veut pas sortir de cet état parce que ça devient un état de confort, on en parlait la semaine dernière. Donc, pour sortir de cet état-là, il faut un moment qu'il y ait une réaction chimique, je vais le dire comme ça. Et donc, à partir du moment où la personne va se rendre compte, juste une journée qu'elle est mieux, même si c'est purement physique à ce moment-là, ce jour-là, elle va venir dans son état parce que les médicaments ont arrêté d'agir, elle va se dire, elle aura le souvenir de cette journée où elle a été mieux. Donc, il peut y avoir là-dessus un travail et une prise de médicaments au début qui ensuite va en s'atténuant parce que déjà, ce souvenir-là est réactivé. Ça, c'est l'exemple de la dépression. Donc, et là, je te parle vraiment de dépression grave. Il n'y a pas forcément besoin de médicaments. Et surtout, le problème, c'est que dans les trois quarts des dépressions, c'est le médecin généraliste qui dit « Vous êtes déprimé », alors qu'il y a soit un gros problème au travail parce que le chef est un gros connard et qu'il faudrait peut-être d'abord régler ça. Soit que, enfin bon, il y a mille et un problèmes qui sont bien des problèmes sociaux en général. Et donc, très souvent, le généraliste qui le traite, et franchement, il y a très peu de psychiatres qui voient la dépression. Dépression, c'est 90% le médecin généraliste. Donc, il va prévoir, il va prescrire des médicaments. Et continuer les médicaments et voir bon bah si ça marche pas aussi un arrêt de travail et bon en général ça fonctionne pas forcément très bien. Donc pour l'autre cas dont tu parlais de la maladie la psychose maniaco-dépressive, là ça va être quelque chose à plus long terme, mais le travail ça va être de trouver exactement le bon équilibre médicamenteux pour que l'atro impacté dans son mode de vie, parce que les médicaments psychiatriques, ça laisse des traces quand même. Hein, je veux dire, quand vous voyez dans les hôpitaux psychiatriques, je sais pas, des personnes qui ont des espèces de TOC, des secousses, ou les yeux qui font des choses bizarres, etc., c'est pas parce qu'ils sont fous qu'ils sont ça. C'est l'effet qui produit ces réactions-là sur leur corps. Mais pour en arriver là, ça veut dire qu'il y a eu des médicaments à long terme, et en même temps, peut-être que s'il n'y avait pas eu ces médicaments-là, ces personnes-là se seraient suicidées ou se seraient coupées une partie de leur corps. Enfin bon, voilà. Il y a quand même une grande différence entre ce qui est plus de l'ordre d'une dépression ou quelque chose comme ça et ce qui est plus de l'ordre de la psychose, en tout cas où il y a là une vraie mise en danger de soi et des autres. J'aime pas du tout les mots que je suis en train d'employer, mais c'est pas grave. C'est pour que ce soit à peu près clair. Donc dans le cas par exemple de la psychose, le tout ça va être de trouver un équilibre entre ces moments de grande excitation et ces moments de grande dépression. Et en même temps, si vraiment on annule totalement ce passage entre l'un et l'autre, la personne n'a plus de vie, elle va devenir amorphe. Parce qu'en fait, ces moments de bon maniaque, c'est aussi des moments de grande création. Donc la personne en a besoin. Et les moments dépressifs, c'est les moments de repos. Mais l'équilibre à trouver, justement, au niveau du médicament, c'est que si ça n'aille pas trop dans les extrêmes, entre l'un et l'autre. Oui ? Oui, non mais c'est pour ça que du coup... Ben, comment dire ? Parce que c'est là où justement peut y avoir le suivi qui va avec, qui va permettre aussi d'articuler les deux pour que ce soit pour faire donateur et non pas destructeur. Et ça c'est possible aussi. Parce que par exemple le moyen utilisé ça va pouvoir être l'écriture, ça va pouvoir être d'autres formes artistiques qui va permettre à cette personne-là, quand elle est dans cette phase-là, d'en faire quelque chose d'autre plutôt que ce soit destructeur. Mais si elle n'a plus ça, c'est-à-dire si tu dois ces deux phases, elle va vivre dans un espèce de... C'est même pas un équilibre, ce serait quelque chose d'amorphe. Où finalement, il n'y a plus trop de vie. Bon, c'est encore un autre débat, mais... Non, mais je voulais savoir, en fait, et dans quel cadre... Pardon, excusez-moi, bonjour. Je voulais savoir ce que vous faites comme profession et dans quel cadre vous intervenez aujourd'hui, en fait. Parce que je suis étudiante... Enfin, je suis en gros psychologue clinicienne, je termine mes études... Là, en juin, du coup, ça m'intéresse. Vas-y. Alors, quand on intervient à EducPop, en fait, on donne pas son statut, ni sa profession, etc. Je faisais une intervention sur... Vous avez bien compris que je suis en lien avec la psychologie et la psychanalyse. Hein, et je faisais une intervention sur la logique hospitalière et les enjeux, justement, au niveau de codification des actes, voilà, de l'évaluation et de la non-responsabilité. Et donc voilà, après si tu veux, tout à l'heure on peut en discuter, mais dans l'intervention, dire plus là où je travaille, ni ce que je fais là-dedans. Il y a juste deux petites questions parce que j'ai eu la chance de connaître donc quelques grands psychiatres, dont un qui a écrit un livre, Le médicament, ça, je trouve que la paraphrase est assez jolie. Pour deux raisons. Déjà, selon l'Organisation mondiale de la santé, elle ne définit aucun médicament pour la psychanalyse ou la psychiatrie. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, on s'est régulé d'une façon plus ou moins adroite avec le comportement et les humeurs d'un patient. On sait aussi contredire des grandes crises, mais on ne sait pas guérir. Aucun médicament ne guérit la psychiatrie actuellement. L'Organisation mondiale de la santé en a reconnu que trois qui sont appliqués dans les organismes différents. Trois suffiraient largement. Maintenant, le monde médical va chercher ses petits plaisirs là où il peut. Mais il faut quand même bien comprendre qu'actuellement, la science actuelle ne permet pas de guérir ce qu'on appelle la maladie mentale. Aucune molécule n'est commercialisable avec celle. Ou alors on rentre dans des molécules complètement à fonction de toxicomanie. Mais aucune molécule n'est commercialisée sous cette valeur-là. Donc on est bien dans le médicament qui ment, on régule, on fait son petit business à travers, quand monsieur tout à l'heure soulevait le problème des psychanalystes et des psychiatres, moi je peux vous donner des dizaines de cheminements, ce qui n'est pas comme médicament, son confrère psychiatre lui donnera sans problème. Moi j'ai connu en tant qu'éducateur des gens qui allaient voir le psy lui disait « Ah c'est bien ma cocotte dans ce cas-là, moi j'ai pas le droit mais ma femme est psychiatre ». Ce cheminement-là, il existe aussi. Qu'on vienne pas nous dire n'importe comment et n'importe quoi. Je veux dire, on a possibilité, quand on est malade mental, d'accéder à aux médicaments d'une façon relativement simple. C'est donc ça la première chose. La deuxième chose qui est quand même actuellement à comprendre, que le meilleur médecin qu'on ait trouvé en psychiatrie, c'est le temps. Je pose le mot temps, c'est-à-dire que faire de l'accompagnement émotionnel, journalier, voire d'heure en heure, c'est primordial. C'est à ce moment-là, quand les personnes se construisent, vous parlez de dépression, de maniaco-dépressif, ces mots-là, je les ai entendus 20 ans. Ça me gave. Ce que je vois, c'est des gens qui sont en souffrance. Tu disais tout à l'heure, le chef est un con, j'emmerde le chef, mais j'ai pas le droit de le dire. Comment je fais ? Donc, comment accompagner d'une façon quotidienne et heureuse, j'emploie ce terme dans ce merdier qui est la psychiatrie européenne actuellement. Comment on les accompagne, comment on les reconstruit en respectant leurs désirs. C'est-à-dire, souvent, ils sont très souvent en demande de non-souffrance. Mais cette souffrance-là, on peut aussi, en tant qu'humain, en prendre une partie. Peut-être pas tout, mais en prendre une grande partie. Donc ça, c'est aussi une autre vision de l'homme. Et c'est là que ça change. Au Japon, il y a aussi des pays qui n'acceptent pas la maladie mentale, qui n'existent pas. Nous, on a toujours un rapport au schéma, une société, et comment on la contredit ou on ne la contredit pas. Le rebelle. J'adore ce terme, le rebelle, là, maintenant de plus en plus défini. Et ça, c'est la problématique de notre société. C'est-à-dire comment on accepte profondément les différences, comment on construit les gens, et comment on les déconstruit, voire comment on les annihile. Quand tu parles de spasme, j'en ai vu opérer des mecs à la rue en se disant « Mais putain, ils sont complètement foncedés, comment on fait ?» Pour simplement, c'était même plus l'humain qui les intéressait, c'était que j'avais la possibilité de l'emmener à l'hosto, de connaître deux psys qui pouvaient lui filer son ordonnance. Ils s'en foutaient, il avait perdu de main. Et ça, c'est grave. Par contre, le temps, et je reviendrai sur ce mot « temps » parce que c'est vraiment lui le meilleur médecin que j'ai connu, c'est-à-dire une écoute de qualité, des actions vraiment pensées, réfléchies, vécues avec la personne. Très souvent, qu'au dépressif, je dirais que c'est des gens solitaires dans leur réflexion, dans leur philosophie. Le besoin de l'autre n'existe pas forcément. Il faut le recréer. Ils l'ont perdu. Mais ça, c'est du temps. Et ce n'est pas le temps du milieu, c'est du milieu de la psychiatrie, du milieu hospitalier, etc. Les moyens techniques de ce temps. Alors forcément, c'est plus rapide de dire « je te file deux cachetons, ça va faciliter le problème ». Parce que derrière toi, il y a encore deux qui vont arriver, qu'il faudra redonner deux cachetons. C'est tout. Maintenant, quand on prend la décision d'accompagner quelqu'un, il faut savoir, c'est un coût social. Et ce coût-là, plus personne ne veut le prendre en charge. Parce que c'est plus facile de se réfugier derrière certains médocs, tranxène et tout ce qu'on veut. Moi, du tranxène, je fais un coup de pompe dans le lampadaire, j'en ai 15 kilos qui tombent. De la morphine, j'en ai 50 litres. C'est tout. Poser des bonnes questions, qu'est-ce qu'on choisit ? Soit de favoriser une industrie médicamenteuse, soit qu'on choisit vraiment l'humain dans sa définition première, c'est-à-dire dans son respect de l'autre et de son accompagnement dans sa souffrance. Mais la souffrance, je tiens à vous dire à tout le monde, je ne le savais pas hier, mais tu sais, hier j'étais en bonne santé, aujourd'hui je suis malade. Tout le monde, ça peut être le cas de tout le monde. C'est aussi ça qu'il faudrait peut-être un peu intégrer. Un malade mental, j'en ai côtoyé des tonnes. Des tonnes, c'est mon expression à moi. Hein. Jamais, jamais, j'ai eu d'appréhension. Bipolaire, tripolaire, triphasé, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'était bien d'être à l'écoute la plus sincère, la plus honnête. Mais ça demande 4, 5, 6 heures des fois d'affilée. C'est plus du tout le même rythme, c'est plus le même temps. Et quand on y arrivait, quelquefois nous y sommes avec la sauce qu'on avait créée à l'époque, et ben aujourd'hui les gens, ils continuent, on continue à les voir, même si on n'est pas payé, même si on n'est pas dans l'accompagnement, mais on continue. On a créé un lien qui vaut 10-37. Parce que le lien est tout à fait ce qu'il attendait. Il était à la fois créatrice, destructeur, mais qui n'est pas ça tout en même temps ? Tout le monde est ça. Ce qui était le problème, c'était de se dire... Je suis d'accord différent, mais est-ce que je peux pas être comme lui ? C'est ça le vrai problème. Et donc, comment on le tolère, comment on l'écoute ? C'est un travail partagé, avec des émotions partagées, et on a eu plutôt des bons résultats. On a eu au départ des aides techniques, mais des bons résultats. Et nous, on avait dit, pas de médoc. C'était volontaire. J'ai vu des gens qui se sont raccrochés à notre expérience en disant, pas de médoc, donc pas crédible. On en arrivait là. Pas de médoc, pas crédible. Ah non, non, moi si j'ai pas mon Tranxen, je me défonce, c'est pas la peine. Ok, mais il y a une autre façon de se défoncer. Et sans morale. Justement, on peut pas agir avec une morale quand dans ce contexte-là. Merci. Alors, c'est bientôt la fin, donc je vous invite je vais prendre les derniers tours de parole, donc je vous invite. Du coup, j'aimerais bien répondre à ce que vous venez de dire. Je suis forcément d'accord avec les problèmes que soulevez. Le problème, c'est ça, c'est que dans notre société, maintenant, il faut être efficace, il faut faire de l'argent et qu'un psy n'est pas rentable dans les institutions vu qu'il n'est pas remboursé, il n'y a pas d'acte, rien. Du coup, c'est la disparition des psys. Progressivement, on perd tous nos avantages de travail. Et moi, par exemple, qui m'intéresse beaucoup plus à l'humain qu'à l'argent et je déplore énormément que l'argent... finalement, dirige notre société, j'aimerais faire des stations à prix libre. Et en libéral, mon statut ne me permet pas de faire ça, parce que si je n'affiche pas mes tarifs avant, je peux me faire attaquer en justice. Du coup, je me sens pas du tout soutenue, même si j'aime. Et c'est ce à quoi se confrontent la plupart des psychologues. Tous nos avantages sont réduits de jour en jour, d'année en année. Et comme les postes sont rares, on accepte de plus en plus, en perdant de plus en plus nos avantages. Et c'est une catastrophe parce qu'on se dirige de plus en plus vers une médicalisation systématique des soins, alors que l'important reste l'humain derrière et pas la rentabilité. Tu voulais intervenir je conclurai après comme ça. Oui, un point peut-être que Gilles n'a pas beaucoup traité, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'individu seul, sans imaginer qu'il y ait un paysage autour de lui, un paysage qui peut lui apporter un soutien, qui a un impact direct, immédiat, des proches, des amis. Et dans un profil psychologique, la considération de la famille n'est jamais faite. Jamais, jamais. On croirait qu'il n'y a pas de famille. L'individu est une espèce de chose seule qui se promène aucune relation. Donc je pense que la psychologie aurait un intérêt à plus s'intéresser à la famille dans le sens qui porte un sens dans la thérapie. Il y a toute une discipline, Alan, qui s'appelle l'ethnopsychiatrie, c'est un monsieur, si ça t'intéresse, qui s'appelle Devray. Et en fait, il travaille là-dessus, psychiatrie, la figure la plus connue, l'auteur qui a lancé un peu le truc, il s'appelle Devray. Et il travaille là-dessus, justement, c'est soigner la famille. Ils prennent l'individu dans la famille, en fait, si tu les considères. ils considèrent que c'est un tout, quoi, tu vois. Ah, quoi. Que si, souvent, en fait, un individu qui est malade, c'est un problème de la famille. Eux, ils considèrent ça comme ça. Voilà. En fait, en gros, pour faire vite, hein, t'as la famille, elle a un problème, et ça se matérialise, si tu veux, ça se concrétise par l'individu qui est malade. Et donc, en fait, il s'appelle l'ethnopsychiatrie, voilà, si ça t'intéresse. Oui, puis dans la psychanalyse, bien sûr, hein, le complexe d'Oedipe, tout ça, enfin bon, il y a une vraie réflexion sur la famille depuis le début, qui n'est pas forcément toujours la plus pertinente, parce qu'elle pense en termes de causalité, hein ? Non, la mère, bah, le père aussi, Lacan et son nom du père, on en a bouffé, hein. Donc, moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que tu as posé la question du diagnostic très justement. Alors, j'ai utilisé les termes dépression et trucs machin, mais moi je supporte pas les diagnostics, hein, je les utilise pas du tout. C'est totalement partie du système évaluatif. C'est-à-dire, tu viens chez ton médecin et en fait le diagnostic égale le soin. Il va te donner le mot qui va te guérir. À partir du moment où tu as le mot, tu es comme guéri. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement ancré, là c'est vraiment quelque chose de culturel, c'est tellement ancré dans notre culture que le médecin et que le médecin ne lui donne pas de diagnostic, il va lui dire, mais enfin attendez, vous ne savez pas votre travail. Vous ne savez pas ce que vous faites puisque vous ne donnez pas de diagnostic. Enfin bon, moi on va devoir s'arrêter là, mais c'est. Je voulais conclure là-dessus, mais juste je termine. Et même moi, j'ai été confronté sur. Mais voilà, quel est le mot? Mais c'est pas ce mot-là qui soit le meilleur. Et le rapport au médicament est du coup un petit peu le même. On va vous donner le diagnostic et le médicament. Et dans le médicament et dans le diagnostic, il y a bien entendu aussi, bon, je voulais pas trop en parler, mais je peux juste l'introduire vite fait, le fameux transfert au savoir. Du donner le nom et le médicament qui vous soigne. Et en fait, quel que soit le nom et quel que soit le médicament, il y a aussi une certaine forme de soin qui passe là-dedans, mais qui du coup est biaisée. Bon, après, on pourra refaire une intervention plus sur la psychanalyse, mais parce qu'après, il y a quelqu'un d'autre qui doit intervenir à 17h. Sinon, vous venez faire une intervention dessus, hein, vous avez le droit aussi. Hein. Je voulais juste dire comme ça quand même, parce que dans ces situations-là, il faut toujours un peu d'humour. J'ai connu donc quelques grands psychiatres ou 10 grands psychiatres récemment. Bon, il y en a un ami qui est décédé qui était directeur de psychoprate et tout. Il avait toujours la solution pour les autres. Et moi, je l'ai connu pendant 45 ans. Et toute sa vie, je l'ai vu merder. Ses bonnes femmes, ses enfants, tout était raté. Mais il savait s'occuper des autres. C'est sur ça que je voudrais arrêter. Merci à vous tous. Donc, on va passer. Alors, je change juste l'enregistrement.